بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. قل هو الله أحد. Dis, Allah est unique. الله الصمد. Il est le refuge absolu. لم يلد ولم يولد. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. ولم يكن له كفؤا أحد. Nul ne saurait lui être égal.